Bonjour à toutes et à tous, je suis Inès Ouni, architecte et doctorante au Cresson. Donc, je fais une thèse en architecture en co-tutelle entre le Cresson et l'équipe de recherche sur les ambiances ERA à l'École d'architecture et d'urbanisme, l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Donc, ce travail est encadré par Marc Brévillieri, Jean-Pierre Pénon et co-encadré par Madame Olfamziou Aleno en Tunisie. Donc, l'intitulé de mon sujet de thèse, c'est « Du ressenti généré par un vêtement à l'ambiance d'un espace de commerce, vers une rationalisation des stratégies de mise en ambiance ». Donc, actuellement, je commence la deuxième année. Et pour vous présenter ce travail, je vais commencer par une petite introduction pour situer le sujet, avant d'exposer les questions de la problématique, l'hypothèse, et ensuite je vais présenter la méthodologie envisagée, le corpus d'études et les objectifs de ce travail. Donc, le choix de ce sujet était suite à une expérience personnelle. Je vivais encore en Tunisie quand j'ai visité pour la première fois en 2014 Paris, et j'étais impressionnée par les différentes ambiances dans les magasins de vêtements. Donc j'avais l'impression, en passant d'une boutique à l'autre, de plonger à chaque fois dans un univers différent. Et c'est ce qui a fait naître une réflexion sur la différence entre chaque univers proposé par chaque magasin pour souligner une certaine spécificité. Ceci a donné lieu donc à des questions, notamment sur la place occupée par l'ambiance dans les stratégies de marketing adoptées par les enseignes aujourd'hui. Une deuxième question, jusqu'où l'ambiance peut-elle être intentionnellement instrumentalisée dans une perspective stratégique? Et quelles modalités d'accès au public permet-elle et quelles garanties stratégiques apporte-t-elle? Afin de pouvoir répondre à ces questions, j'ai trouvé nécessaire de savoir comment tout a commencé et comment on a commencé à associer marketing, ambiance et commerce. J'ai essayé de faire un petit aperçu historique, donc j'ai dégagé quatre moments clés. Le premier moment, c'était l'apparition des grandes boutiques à Paris à partir de 1852. Et le deuxième moment, c'était la transformation de l'acte d'achat, qui n'est plus l'acte banal qu'on connaissait auparavant, mais maintenant il est associé à la notion de plaisir. Donc le grand magasin avait apporté une nouvelle liberté, il a révolutionné l'expérience d'achat en offrant un espace collectif qui encourage à la flânerie et qui invite les gens à venir examiner les articles, s'informer sans être obligé d'acheter ce qui n'était pas conseillé avant dans les petits commerces. Le grand magasin avait apporté aussi l'attractivité grâce aux différents événements qu'on a commencé à organiser comme les soldes, les formations pour apprendre aux dames comment se coiffer, comment marcher avec élégance et comment se maquiller. On a commencé aussi à organiser des défilés, à installer des orchestres et des décors pendant la période des fêtes. Et c'est là que la grande affluence dans les magasins n'était plus reçue comme un repoussoir par les clients, mais plutôt faisait partie de l'attraction. Le troisième moment, c'était l'apparition des vitrines où on exposait les produits pour attirer les passants. Donc l'arrivée de l'éclairage avait aussi participé à atteindre cet objectif. Et après un certain moment, les vitrines sont devenues de petites scènes de théâtre qui encourageaient l'imagination. Et au début, leur réalisation était confiée à certains employés des magasins qui avaient un goût artistique plus prononcé que d'autres, mais finalement c'est vite devenu un métier, donc l'étalagisme. Et au fur et à mesure, il y a des codes qui ont commencé à s'installer. Par exemple, une vitrine encombrée de produits était signifiée plutôt que le magasin ne vendait pas des articles haut de gamme. et le contraire aussi, voilà. Oui. Il y a aussi un autre événement qui avait participé à cette période à développer l'étalagisme, c'était le fait que beaucoup de jeunes décorateurs de théâtre se trouvaient au chômage et ont commencé à s'intéresser à la décoration des vitrines des grands magasins. Le quatrième moment, c'était l'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui le merchandising et qui était lié en grande partie au fait qui était plutôt lié à la croissance de l'activité. Donc l'espace n'était plus suffisant, on était obligé de changer le mobilier qui était auparavant plus grand. Donc finalement on n'a plus les grands meubles en bois, mais plutôt des meubles vitrés. Et on a supprimé le comptoir, on a commencé à développer des mobiliers spécialement conçus pour montrer le maximum d'articles afin d'encourager les achats impulsifs. Donc aujourd'hui, il existe sur le marché d'emploi beaucoup d'offres d'emploi pour ce qu'on appelle les architectes retail ou les designers retail. Je suis allée sur le site d'une école qui proposait aussi une formation pour devenir designer retail. Et là, on voit que dans la fiche métier, le designer retail a pour mission de définir un environnement de vente ou de service porteur des valeurs de l'image de marque, valorisant les produits en créant une expérience de vente qui accompagne l'acte d'achat. Et ceci me conduit vers les questions de ma problématique en tant qu'architecte. Premièrement, si nous nous intéressons au magasin de vêtements, comment l'architecte peut-il traduire l'esprit d'un vêtement en termes de spatialité afin de créer un espace de vente reflétant les valeurs d'une image de marque? Et deuxièmement, dans quelle mesure les liens qui existent entre architecture et vêtements peuvent-ils constituer un support dans le processus de création d'un espace de commerce? Pour essayer de répondre à ces deux questions, je considère dans ce travail que le vêtement qui présente un premier corps creux génère deux ressentis. Le premier concerne le sujet portant le vêtement et le second concerne les autres sujets percevant le corps vêtu. Le magasin de vêtements, qui est un deuxième corps creux, aussi génère de par son habillage une impression à l'extérieur de l'édifice et une ambiance à l'intérieur des lieux. J'avance donc l'hypothèse que l'aspect sensible du rapport corps vêtu-bâtiment habillé, en tant que deux entités ayant l'aptitude à faire éprouver des sensations et qui sont donc génératrices d'ambiance, pourrait être exploité dans la mise en ambiance de l'espace de vente dédié aux vêtements. Dans la partie méthodologique, je commence par un volet théorique. Au début, j'essaye d'explorer la notion du bâtiment habillé à travers la théorie de l'habillement de Gottfried Semper, qui pense que le rôle culturel du mur orné prime sur sa fonction structurelle. Il avance l'argument que les motifs des tapis utilisés pour habiller l'habitat primitif démontrent une intention qui dépasse le but utilitaire de construire un abri physique. Peu de temps après, Adolphe Loos avait aussi annoncé une loi d'habillage. Pour lui, l'habillage, par sa capacité à produire un effet, prime sur la construction. Deuxièmement, je me suis intéressée au corps vêtu. Il était nécessaire de trouver un ensemble de références pour identifier les caractéristiques d'un vêtement, comprendre ce que les enseignes vendent réellement au-delà du vêtement physique et comprendre la relation entre le sujet et le vêtement. Donc, le départ était avec une approche sémiologique du vêtement à travers la lecture des travaux de Georges Simmel, qui considère le vêtement comme une sphère de signification créée autour de l'individu. Il précise aussi que cette accentuation de la personnalité se réalise précisément à travers un trait d'impersonnalité. dans un second temps, Roland Barthes, qui avait plutôt associé l'objet vêtement à l'acte vêtement, dans la mesure où cet objet constitue nécessairement un signe reconnu et interprété selon le groupe social. Jean Baudrillard, quant à lui, s'intéresse plus au phénomène de la consommation liée aux vêtements. Pour lui, un objet excède toujours sa fonctionnalité. Un vêtement, même dans les tribus les plus primitives, ne sert pas uniquement à se vêtir, mais revêt des fonctions à la fois esthétiques, culturelles et de prestige. Et la ruse de la société de consommation est d'abolir la distinction entre l'utile et le futile, le nécessaire de l'accessoire, et de créer sans cesse de nouveaux besoins. Dans une approche sensible par Emmanuel Kocha dans son ouvrage « La vie sensible », il présente le sensible comme un être des images. Il le considère comme un espace intermédiaire et il montre donc la place de ce sensible dans notre vie. L'être humain, rationnel, pensant et parlant, ne vit qu'à travers ses sens. Nous passons des heures chaque jour à donner à nos corps et aux choses qui nous entourent des formes, des couleurs, des odeurs différentes de celles qu'ils devaient avoir naturellement. Selon Emmanuel Kocha, donc, l'humain se donne au monde par le biais d'une production continue de réalité sensible. Pour lui, l'être humain est une apparence sensible. Et il parle dans son ouvrage du passage du réel vers la conscience. Donc j'ai essayé de résumer ce processus dans ce schéma. Donc au départ, on a la forme, la chose physique, qui devient phénomène grâce à l'image de cette forme, que ce soit une image visuelle, sonore ou autre. Et qui deviennent après le sensible, qui est l'intermédiaire situé entre corps et âme, et qui est extérieur aux deux. À la rencontre des organes perceptifs, on peut parler là de perception, et on passe vers le dernier stage qui est la conscience, là où on peut parler de l'expérience chez le sujet pensant. Dans la deuxième partie de son ouvrage, Emmanuel Kocha parle de la métaphysique du vêtement. Donc selon lui, l'homme, par rapport au reste du monde, est un médium qui acquit du sensible, mais qui restitue du sensible aussi. Donc l'acte de se vêtir ou s'habiller, implique incorporer un sensible extérieur, un corps secondaire fait d'apparence, et signifie s'autoproduire comme image pour les autres. Et pour soi-même aussi. Donc, les vêtements, pour l'auteur, c'est les portions du monde complètement étrangères à nous, mais qui, paradoxalement, nous permettent de nous exprimer, notre intériorité plus que ne le fait notre corps anatomique. Donc, pour expliquer le processus d'identification à un vêtement, donc le passage de l'âme vers le vêtement, l'auteur qualifie cette action par un curieux déplacement de manière presque totémique. Toujours dans la partie théorique, là où je m'intéresse à la notion du corps habillé, il y a le roman « Au bonheur des dames » de Émile Zola qui a retenu mon attention parce que, en fait, l'auteur il avait pratiqué une observation participative au grand magasin au Bon Marché, qui est le premier grand magasin construit et ouvert à Paris. Donc, dans cet ouvrage, il y a une description détaillée, même si les faits ne sont pas réels, et les acteurs, les personnages qu'il décrit dans son roman ne sont pas réels, mais le cadre, il a été décrit, l'ambiance, les vendeurs, les clients, certains faits qui se produisent dans cet espace de vente sont inspirés sont inspirés de la réalité suite à l'observation qu'il a effectuée. Dans la partie théorique, je m'intéresse aussi à la convergence entre bâtiments habillés et corps vêtus qui apparaît dans le travail de certains architectes comme Shigeru Ban, Jean Nouvel, Herzog et Demorand et Georges Ayala. Donc, dans un essai écrit sur les travaux de Herzog et Demorand, en fait, les architectes, ils disent que ce qui leur intéresse entre ce croisement entre architecture et mode, c'est pas le côté glamour de la mode, mais c'est plutôt le fait que des personnes choisissent certains vêtements pour se vêtir. Donc, pourquoi ce choix? C'est ce qui intéresse les deux architectes et ils s'en inspirent dans leur travail. Le lien entre le vêtement et la spatialité était abordé en 1975 par Pierre Bourdieu et Yves Desseaux dans l'article Le courrier et sa griffe, contribution à une théorie de la magie. Donc là, les auteurs, ils ont mis des photos des intérieurs des créateurs de mode à l'époque en comparant leur style et en faisant le lien avec les créations de ces designers. Dans la deuxième partie de la méthodologie, qui est une partie empirique, j'ai envisagé d'utiliser certaines méthodes pour mettre au jour les rapports entre le ressenti généré par l'habillage de l'édifice et le ressenti généré par le vêtement. Donc, les méthodes que j'envise d'utiliser, c'est l'observation in situ, à travers la pratique de l'immersion, premièrement. Deuxièmement, l'étude de documents, l'analyse de discours à travers les sites web, les catalogues et les affiches publicitaires de chaque enseigne. Et troisièmement, la pratique d'interview avec les concepteurs des espaces de vente et aussi les designers de vêtements. Quatrièmement, il y a le recours à des questionnaires. Je vais m'adresser aux clients pour voir comment ils perçoivent les vêtements, comment ils perçoivent le lieu de vente, là où est exposé ce vêtement. Et cinquièmement, j'ai pensé à utiliser la méthode du parcours commenté pour suivre aussi certains clients dans leur cheminement depuis l'extérieur de l'espace de commerce vers l'intérieur et aussi faire un recueil de leurs impressions pendant qu'ils examinent les vêtements proposés. Donc j'ai commencé à aborder la pratique de l'immersion sur terrain. C'est une méthode que j'envisageais pas d'utiliser, mais comme j'ai... En fait, je travaille... Mais comme j'avais l'impression, j'avais la chance de... Voilà, donc on vient de me dire qu'il ne me reste que 3 minutes, je vais essayer de faire vite. Voilà, donc je suis en train de voir tout ce qui concerne la méthode d'immersion, comment bien tirer profit de cette méthode, si c'est la méthode adaptée, puisque c'était... pas envisagé de l'utiliser au début. Bon, là c'est ce que, en fait, j'ai pour choisir mon corpus, j'ai pensé à deux critères. Premièrement, de comparer le lieu de vente des enseignes proposant des vêtements pour enfants, femmes et hommes, puisque les trois ont des rapports différents à l'espace. Et le deuxième critère auquel j'ai réfléchi, c'était l'occasion ou l'activité pour laquelle le vêtement est conçu. Après avoir effectué plusieurs entretiens, finalement, j'ai pu avoir accès à quelques lieux de vente. Donc, c'est les critères, finalement, c'était plutôt la faisabilité. Et pour le moment, je suis en train d'écrire tout ce que je vois sur terrain, sur un journal de bord. que je vais essayer après d'utiliser dans cette partie. Donc merci pour votre attention. Merci beaucoup Inès, désolée pour ces... Non, pas de soucis, c'est moi qui ai mal... Du coup, on laisse Monsieur Attali introduire les questions. D'accord, merci. Bien, vaste sujet que le vôtre, oui. Qui me semble effectuer un déplacement d'une question vers une autre. Bon, ce que vous dites, comme ce que vous expliquez tout à fait au début de votre exposé sur le motif initial, oui. C'est-à-dire l'observation de différences d'ambiance dans les boutiques que vous avez visitées à Paris, puis-je me permettre de vous dire que je regrette un peu que vous l'ayez abandonné, semble-t-il, assez vite. Alors peut-être que vous allez le retrouver un petit peu plus tard, mais il me semble que il y a là probablement un foyer d'observation extrêmement riche et fécond, et la formulation que vous en donniez était tout à fait intéressante. Alors je dis ça parce qu'il me semble que dans le propos que vous venez de développer, on reconnaîtrait aisément plusieurs questions, non pas une question centrale, mais plusieurs ordres de préoccupation. Je m'explique. Lorsque vous parlez de la naissance des vitrines, avec cette très jolie expression, je ne sais pas si elle est de vous, petite scène éclairée, c'est vous qui avez forgé cette expression ? Non, c'était pas moi. Vous l'avez rencontrée dans la oui, littérature. Probablement. Bon. Alors, moi, je n'ai pas manqué de penser immédiatement, à cause même de cette appellation, au fait que c'est à peu près à la même période que naissent et se développent dans les musées les dioramas, c'est-à-dire précisément de petites scènes éclairées qui sont mises au service de la muséographie, notamment dans les musées d'histoire naturelle. Il faut se souvenir de l'importance de ces dioramas, par exemple à New York, pour des gens aussi importants que Frank Boas ou Claude Lévi-Strauss. C'est un effet de condensation dans un dispositif visuel d'une présentation qui est à la fois anthropologique, historique, archéologique, sociale. Donc il y a là quelque chose de très précieux, d'autant plus qu'à la même période se développe dans l'architecture urbaine, notamment à Paris, mais pas seulement, les passages, qui sont une sorte de dispositif urbain destiné à faciliter le défilé du chaland, des passants devant ces vitrines. Donc il y a là un ensemble de dispositions spatiales, à la fois intérieures et extérieures, qui me semble tout à fait essentiel dans votre sujet, si on s'en tient à ce que vous nous avez dit au début. Et puis, votre propos se déplace progressivement vers une autre question, qui est la question du vêtement ou du revêtement. Le vêtement dans l'univers de la mode, le revêtement dans l'univers de l'architecture. Et là aussi, on a l'impression que votre intérêt pour la mode, proprement dite, va grandissant. Alors, vous commencez votre deuxième année, je pense que c'est peut-être le moment pour vous d'essayer de comprendre ces déplacements et de peut-être réordonner vos questions. Si vous ne le faites pas, vous courez le risque de ne plus savoir vous-même après quoi vous courez dans ce travail. Est-ce que c'est cette question du rapport de la mode et de la rue, tous les stylistes vous diront que la question de la rue est une question essentielle. C'est la rue qui fait la mode, avant que ce soit les couturiers. C'est la rue qui est le lieu de cette interaction visuelle permanente qui entretient le goût pour la mode, pour ses effets de distinction, de différenciation, d'individualisation de chacun au sein de la foule urbaine. Il y a là déjà un énorme sujet. Et puis, s'agissant de la mode, on a le sentiment, en vous écoutant, que vous vous intéressez probablement parce que l'univers de la boutique vous intéresse, hein, l'univers de la vente vous intéresse, on a l'impression que vous allez vers une sorte de définition presque typologique du vêtement. Moi, j'étais très étonné qu'à propos de l'immersion, vous fassiez ce tableau où vous distinguez différents usages du vêtement, la danse, le mariage, le sport, la lingerie. Et donc, on est plutôt renvoyé là, non plus à l'univers de la rue, mais à l'univers de l'intimité, hein, de l'espace, comment dire, de l'habit porté par l'individu. Voilà. Donc, ma première question serait celle-là. Quelle est la ligne principale de votre recherche aujourd'hui? Elle peut changer encore, mais aujourd'hui, quel est l'objectif principal? Principalement, l'idée, c'est d'explorer dans quelle mesure on peut exploiter ce lien qui existe entre le vêtement et l'architecture pour exprimer l'esprit d'un vêtement en termes de spatialité et en termes d'ambiance. Je m'explique. Pourquoi, par exemple, j'ai parlé d'activité et d'occasion? Parce que si nous comparons un magasin qui vend de la lingerie et un magasin qui vend des vêtements de sport, c'était ça au départ l'idée, c'est qu'on va essayer de mettre en avant certaines choses qu'on ne va pas essayer de montrer dans le deuxième magasin. Donc, chez la majorité des personnes, le sport évoque le mouvement, le pouvoir. Donc, c'est ce qu'on va essayer de montrer au niveau de l'ambiance du magasin qui vend des vêtements de sport. Et d'un autre côté, la lingerie, ça sera plutôt la sensualité, ça sera un univers plus féminin. Et donc, voilà, c'était ça l'idée. Comment mettre en ambiance les magasins pour qu'ils expriment parfaitement ce que exprime le vêtement qui est exposé dans ce magasin. Parce que si on regarde, il y a des magasins que si on les regarde, on supprime les articles qu'il y a dedans, on les remplace par d'autres articles complètement différents et ça ne change rien. Donc moi, en tant qu'architecte qui pourra au futur concevoir des espaces de vente pour les vêtements, comment est-ce que je pourrais exploiter ce lien? Oui. J'avoue un peu de scepticisme sur ce point parce que à partir du moment où vous construisez cette typologie, on a l'impression que vous réduisez considérablement le champ et je dirais même le motif initial de votre recherche. C'est comme si vous opériez au sujet du vêtement ces mêmes réductions fonctionnalistes qu'on a tant reprochées à l'architecture et à l'urbanisme. À partir du moment où vous dites que c'est une boutique de sport, donc on y trouve des vêtements de sport qui évoquent le sport, et vous êtes dans une espèce de redondance. Pareil pour la lingerie, pareil pour la boutique de mariage, vous voyez. Alors que le contact avec l'univers de la rue, d'une part, qui est le territoire de représentation de la foule et de la multitude urbaine, hein, de sa variété, d'une part, si d'autre part vous continuez de vous rapporter comme vous semblez vouloir le faire, en citant par exemple Emmanuel Coccia, en étant plutôt dans un registre de description des images médiatrices du rapport de soi à soi. Là, il me semble que vous avez un sujet qui échappe à cette réduction et qui vous offrira plus de ressources et aussi plus de plaisir intellectuel. Oui, peut-être, c'est vrai, à ce stade, je suis peut-être en train de questionner la direction dans laquelle va ce travail. Donc, alors là, néanmoins, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce que je suis en train de reprocher à cet aspect de votre exposé, on pourrait le reprocher au merchandising, qui effectue exactement le même rabattement, hein, de questions très basses sur des questions de stratégie marchande. Alors je pense qu'il faut que vous fassiez attention à cela et à garder à votre sujet l'ouverture et la fécondité qu'on sent très très bien dans les premiers attendus que vous avez présentés. Ouais, merci beaucoup Inès. Je vais rebondir un peu aussi sur les remarques de Jean-Philippe que je partage largement. Peut-être avec quelques deux, trois concepts bibliographiques. Parce que du coup, la discussion sur la rue me faisait penser aux travaux d'un architecte japonais des années 30, Kon Wajiru, je prononce très mal ce nom. Hein. Mais il avait un intérêt. Pour le travail du terrain, donc ça c'est aussi un aspect dont tu as assez mieux parlé et je pense que c'est central dans ta thèse. Il y a un intérêt pour le travail du terrain, notamment pour des relevés in situ dans la rue, et il mettait aussi, il posait la question, enfin, deux de ses principaux centres d'intérêt, c'était précisément le vêtement et l'habitat. Donc je pense qu'il y aurait des pistes à aller voir du côté de cet auteur qui. Notamment, c'est ce terme modernologie, c'est une pensée assez particulière et qui, à mon avis, devrait t'intéresser. Et d'une manière plus générale, je pense que dans tes choix bibliographiques, il va falloir aussi que tu aies maintenant, que tu fasses des choix précisément. Parce que là, tu nous mets six immeubles, Baudrillard, Barthes, par exemple. Voilà, tout ne fonctionne pas ensemble. Il va falloir faire des choix, à mon avis. Dans mon approche des immeubles du côté de l'égard en part, bah, il va falloir pareil, Bourdieu, ok, c'est bien, ça montre que tu as fait le boulot de travail bibliographique, mais il va falloir faire un petit peu des choix dans ces approches qui sont vraiment très, très différentes. Et peut-être du côté de travaux un peu plus récents qui ne sont pas spécifiquement sur le vêtement, mais je pense aux travaux de Franck Cauchois par exemple. Des pratiques d'achat travaille à Toulouse et on a dit qu'il y aura des choses intéressantes de ce côté-là et je sais qu'il y a eu des parcours commencés qui ont été réalisés dans les grandes surfaces également pour que tu trouves ces références-là parce que c'était vraiment lié à pratiques d'achat, actes d'achat, comment ça se gère. On a eu plutôt des grandes surfaces que dans les grands magasins, il faut que tu gères de ce côté-là. Donc, à ces remarques-là, la question, ça va être du côté du terrain, parce que tu nous as très peu parlé, prise par le temps, c'est les entreprises, parce que ça nous a donné. Et j'en rejoindrai également la remarque de Jean-Paul sur la question de la redondance. Et parce que quand on est type d'enseigne que tu nous as proposé à la fin, rapidement, là, sur la dernière slide, j'ai l'impression qu'il y avait aussi une redondance là de ce point de vue-là. Je me disais, est-ce que ce n'est pas intéressant d'aller voir. Par exemple, un magasin spécialisé vêtements, comme Chevignon ou n'importe quelle marque, ça m'est égal. Et puis, un magasin, peut-être un grand magasin, on prend le vêtement comme un de ces éléments, ou alors un magasin qui a une politique un peu plus grand public, etc. Enfin, type Gémeaux, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est un petit peu des pistes. Comment tu veux, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta méthodologie et de ce que tu as déjà fait et puis, alors, pour l'instant, ce que j'ai déjà fait, c'est l'observation dans des magasins auxquels j'ai eu accès, Donc au début, j'ai pensé aux critères justement à qui le vêtement est adressé. Le deuxième critère, comme j'ai dit, c'était l'activité ou l'occasion, mais finalement, c'était en fonction de la faisabilité. J'ai essayé de commencer à explorer la pratique de l'immersion. Donc ce que j'ai fait, voilà, c'est ça pour l'instant. Donc j'ai commencé par faire 9 jours au rayon homme chez Zara. Deuxièmement, un magasin qui vend les chaussures et qui a un concept de magasin virtuel à la base, mais ensuite ils ont ouvert des points de vente. Ensuite, c'était le magasin Promote qui fait des vêtements pour femmes, un magasin de lingerie et un magasin qui fait des vêtements pour hommes et pour femmes, un peu haut de gamme. Et voilà, donc pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Je suis en train d'écrire tout ce que j'observe, tout ce qui se passe dans le magasin sur un journal de bord, mais je n'ai pas eu le temps de bien mettre à propre ce que j'ai observé jusqu'à maintenant et comparer pour aujourd'hui. Et je pense que même si je l'ai fait, je n'aurais pas eu le temps de le présenter. Mais voilà, déjà, rien qu'en commençant à faire des observations comme ça, je remarque qu'il y a plusieurs différences, que les clients ne perçoivent pas les vêtements proposés de la même façon, que ce n'est pas le même client, que les espaces ils sont complètement différents, même s'ils sont tous des espaces de vente. L'objectif, c'est toujours de vendre plus, de faire de meilleurs chiffres d'affaires, mais il y a de grandes différences entre tous ces espaces, et il y a des choses qu'on observe sur terrain et qui nous sont, et que c'est impossible pour nous d'observer à travers un entretien avec le responsable ou la responsable de la boutique, à travers l'architecte qui a conçu la boutique, ou en étant un client qui visite tout simplement ce magasin. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Oui, je reviens un petit peu sur ce tableau. Moi, sincèrement, j'aurais préféré même des fragments de votre journal plutôt que ce tableau. D'accord. Et là, on est en train, entre nous, en train de parler du travail en train de se faire. Donc, il ne faut surtout pas arrêter les choses et surtout ne pas abuser des tableaux qui sont un format qui fige tout. Oui. Donc, vous pourriez peut-être évoquer, parce que c'est frais, parce que vous vous en souvenez, quelques-unes des observations que vous avez faites dans l'un ou l'autre des lieux où vous avez travaillé. Sans notes, vous le savez. C'est juste que j'ai essayé de résumer, j'ai commencé à essayer de résumer pour, par exemple, la première expérience, tout simplement. Donc dans ce magasin, en fait, j'y travaille à temps partiel pour pouvoir être sur terrain. Et donc... quand j'étais là-bas, pendant 9 jours, comme c'est mentionné, j'avais... en fait, ça dépend des jours. Quand j'arrive, il y a un planning et il y a deux postes généralement. Par exemple, si je travaille pendant 6 heures, les premières 3 heures, c'est un poste, et les deuxièmes 3 heures, c'est un deuxième poste. Donc, il y avait trois choses à faire. Soit être là où il y a les cabines des CH, soit être sur la surface de vente, soit être dans la réserve de vêtements. Donc, par rapport aux différences déjà que j'ai pu observer en occupant ces trois postes, c'est que en étant dans les cabines, je fais plus d'échanges avec les clients, j'observe comment ils décident d'acheter ou pas un vêtement, parce que le client est attiré tout d'abord par l'extérieur du magasin ou parce qu'il connaît l'enseigne, ensuite il est sur la surface de vente, il décide pas forcément là-bas, et puis il trouve une certaine intimité dans sa cabine d'essayage, et c'est là où il décide s'il peut s'identifier à ce vêtement ou pas, et s'il va l'acheter ou pas. Donc la deuxième chose que j'ai observée, c'est que en étant parce que moi, en travaillant là-bas à temps partiel, je suis pas dans ma posture de quelqu'un qui fait de la recherche, donc il y a en fait une certaine tension qui se crée avec les clients, parce que en fait leur comportement que j'observe, ils décident aussi de la quantité de travail que j'ai à effectuer, comment ils jette les vêtements après l'essayage, comment il y a des choses comme ça qui créent une certaine tension avec les individus que je suis là pour observer. Donc, par rapport à la réserve, ce que j'ai observé le plus, c'est comment chacun, par exemple, moi, par rapport aux autres employés, qui me confiaient détester être dans la réserve, ils avaient l'impression d'être punis, alors que moi, je retrouvais une certaine tranquillité du bruit. Il n'y avait pas la musique qui se trouve sur la surface de vente, il n'y avait pas le besoin d'être tout le temps, de regarder tout le temps les clients pour voir si quelqu'un a besoin de nous. Donc pour moi, c'était un refuge, alors que pour les autres employés, ce n'était pas perçu comme ça. Il y a aussi autre chose que j'ai remarqué, c'est que c'est l'endroit où les employés communiquent le plus dans la réserve, parce que je peux passer plusieurs jours à travailler avec une personne et je ne connais rien sur sa vie personnelle, alors que je ne sais pas pourquoi, même dans la dernière expérience dans la réserve, il y a tout le monde qui me dévoile des choses personnelles que je ne connaissais pas auparavant. Donc c'était ça pour moi la spécificité d'être dans ce poste. Et par rapport au fait d'être sur la surface de vente, c'est là où j'ai pu, pour la première expérience, j'ai pu discuter avec une vendeuse qui s'occupait du merchandising, donc qui me donnait les techniques que je ne connaissais pas auparavant. C'est comment faire les superpositions, comment elle m'a montré les visuels qu'on reçoit par mail de la part du siège. Donc c'est marrant aussi parce qu'il utilise le terme ambiance. Le premier jour, il essayait de m'expliquer comment tout est organisé dans le magasin, sur les différentes zones du magasin. Donc il me dit ici on a telle ambiance, ici on a telle ambiance. Et après, elle m'a expliqué que toujours il faut mettre en avant les petites tailles pour chaque modèle, malgré qu'ils savent que tout le monde ne taille pas comme ça, mais on le fait quand même. Comment il ne faut pas mettre trop d'articles, mettre la même taille deux ou trois fois, ça montre qu'on en a trop et qu'on n'a pas vendu, donc le client il n'aura pas forcément envie d'acheter ça. Comment il faut toujours plier les vêtements sur la table en allant de la taille la plus grande vers la taille la plus petite. Comment bien espacer les cintres, des choses comme ça que je ne connaissais pas avant. Donc voilà, ça c'était un petit résumé de... Oui, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'immense intérêt de ce que vous êtes en train de nous raconter? Oui. C'est-à-dire qu'il y a dans votre sujet une dimension anthropologique, hein, au sens où l'anthropologie implique ce que vous appelez l'immersion, c'est-à-dire une expérience directe des lieux dans lesquels vous conduisez votre enquête et des gens avec lesquels vous êtes en interaction. Oui. Donc tout ça est absolument foisonnant et je trouve que le principal intérêt, c'est justement de révéler cette dimension anthropologique, alors que dans ce que vous nous avez dit, on a retenu votre intérêt pour la littérature, on a retenu la façon dont vous avez bien repéré la constance d'un certain nombre de sujets, aussi bien en architecture, avec toute la tradition de la tectonique, que au sujet du vêtement. Voilà, je crois que vous tenez là quelque chose de très précieux et que vous devez vous attacher à l'expliciter. Oui, justement, en fait, ça fait pas longtemps que j'ai essayé d'utiliser la méthode d'immersion. C'était pas prévu au départ. J'avais pas forcément étudié toutes les méthodes que je pourrais utiliser. J'étais encore dans la phase lecture, voir toutes les références, les différentes approches de mon sujet et tout. Et après, en fait, c'est une thèse que j'autofinance, donc j'étais amenée à travailler à temps partiel et je trouvais que ça me prenait beaucoup de temps et ça m'a stressée, mais finalement, je me suis dit, il y a peut-être une façon de tirer des bénéfices de ce fait que je ne peux pas changer. Et finalement, j'ai pensé à la méthode de l'immersion, j'ai commencé à lire davantage sur cette méthode. Et voilà, maintenant, en fait, je me rends compte effectivement de l'importance de cette observation que je suis en train d'effectuer sur terrain, parce que même si j'ai dit beaucoup de choses, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, il y a des choses auxquelles je n'ai pas réfléchi auparavant et qu'il n'y avait personne qui pouvait me les dire. Voilà. En plus, je n'avais pas forcément des contacts dans le milieu de la vente, dans le milieu d'agencement des espaces de vente. Donc j'espère que je saurai bien utiliser tout ce que je suis en train de collecter comme données. Donc on a deux questions en attente, une première ici et ensuite une troisième à la droite. Je reviens juste rapidement sur cette première question sur le lien. En fait, ce qui m'étonne, c'est la question que tu poses au départ comme évidence du lien entre le lieu, la boutique et l'emploi et les esprits de vêtements. Et je suis assez étonnée que quelque part, toute la question assez ancienne de l'architecture canard, qui a été très critiquée, elle n'est pas, elle n'est pas partie de la question de départ. C'est-à-dire, au lieu d'affirmer ce lien entre l'espace et le vêtement, en quoi est-ce qu'il peut être porteur de connaissances pour penser à venir, mais ne pas l'envisager plutôt par l'inverse. Et ça, je le dis aussi. Parce qu'au début, quand tu faisais l'historique des périodes clés de la manière dont il avait ces lieux, il me semble qu'il y en a un qui est quand même important aujourd'hui, qui est qu'avec la dématérialisation de l'achat dans les boutiques, aujourd'hui, on y fait de moins en moins l'acte d'achat. Donc on est là pour autre chose. C'est une question que je pose. En quoi est-ce que c'est pas intéressant justement de réfléchir entre cette dissociation aussi entre ce qu'on vend et l'ambiance, la mise en ambiance de ces lieux par rapport à ces nouveaux programmes qui sont pas uniquement le vêtement, un lieu où on se rassemble, un lieu de la médiation qui fait peut-être plus la place à l'homme, à la rue, etc. Donc voilà, c'est un peu. C'est des questions que ça me pose en t'écoutant. Et du coup, ça pose aussi, je trouve, des questions sur le protocole. Alors, l'immersion, c'est vraiment intéressant. Mais je pense aussi, je suis étonnée par ces enseignes qui sont celles de la grande distribution et quitte à apprendre de ce qui se passe aujourd'hui, aller voir du côté aussi du commerce de luxe. Je me demande si c'est pas assez intéressant chez Vuitton, etc., avec tous les grands architectes qui sont appelés non pas pour exécuter un cahier des charges, mais au contraire pour le questionner, apporter un nouveau regard. En quoi ça peut pas être porteur aussi chez toi de nouvelles connaissances pour réfléchir à ce lien entre les deux? Et quitte à ce que ce soit l'immersion, aller travailler comme concepteur chez Vuitton, comme on fait beaucoup de grandes boîtes de cette école d'ailleurs, je pense que c'est assez. Ça pourrait être peut-être intéressant par rapport à ce genre de sujet. Voilà, et toutes les questions de la scénographie, pratiquées par des architectes et non pas par des gens, enfin, je suis architecte, porte vraiment ce regard singulier de mes compétences. En tant non pas qu'exécuteur justement de. En fait, elle questionne toujours ce rapport entre l'objet, le propos et l'espace. Est-ce que la scénographie prend le dessus sur ce qu'on présente? Est-ce qu'au contraire elle se met au service? Comment? Et voilà, et par l'espace, par contre, il y a tous ces propos qui sont racontés. Donc voilà, je me dis que ça peut être des pistes assez intéressantes parce que l'immersion dont tu parles, elle est vraiment. Elle exécute ce cahier des charges. Toi, tu le reconstitues, c'est très fort en y travaillant, mais le fait d'aller lire ces cahiers des charges peut aussi éclairer très rapidement certaines choses. Mais d'aller interroger de l'autre côté ceux qui n'exécutent pas mais qui les fabriquent, mais du coup en marge, en luxe, etc., ça peut être. Par rapport à la question de aujourd'hui, pourquoi les gens. C'est quoi les raisons qui poussent les gens à aller justement acheter en magasin alors qu'ils peuvent acheter exactement la même chose en ligne? Effectivement, en fait, c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de travail et de recherche sur du côté des personnes qui s'occupent du marketing. Justement, ils essayent à chaque fois de renouveler leur technique d'explorer de plus en plus la psychologie des clients pour leur donner à chaque fois une nouvelle raison pour venir fréquenter les magasins, parce que en fait les achats impulsifs ils sont plus fréquents en magasin que derrière un écran, là où on est sous l'influence de l'ambiance installée dans le magasin et sous l'influence des vendeurs aussi parfois. Par rapport à la question des architectes qui conçoivent les lieux de vente, en fait, je prévois déjà de faire des entretiens avec eux pour apprendre un peu plus sur le processus de création de ces lieux de vente. Mais honnêtement, je ne pense pas que pendant ce travail, si par exemple, si je vais travailler, comme vous avez dit, dans le bureau de Louis Vuitton, je ne pense pas que ce sera suffisant pour le temps. Et par rapport à l'apport de... C'est sûr que je vais apprendre énormément de choses, mais ça ne me permettra pas, par exemple, de comparer différentes façons de faire, différents résultats, parce que je serai plein dans l'univers de l'enseigne. Et puis le temps, en fait, d'exécution des projets d'architecture, ça sera relativement plus long. Donc, je ne sais pas, côté faisabilité de la chose... Oui, effectivement, j'ai prévu d'analyser les discours de ces architectes et d'essayer d'apprendre un peu plus sur comment ils créent ces espaces, effectivement. Et la troisième question, c'était... Oui, l'architecture canard, je ne suis pas sûre que je connaisse ce que ça veut dire. Voilà, c'est bon, tu es, mais c'est un regard. Mais c'est, en fait, c'est le fait d'un objet, une architecture, comment dire, une espèce de reflet très littéral. Je ne sais pas si tu vas y voir, mais ça a été assez vite, depuis un temps, montré. Et on montre, en fait, qu'aujourd'hui, encore, de très grands architectes continuent à faire ça et les critiquent très fort, justement. Cette espèce de lien direct entre l'objet et l'espace, et l'architecture. Ah, oui. C'est ce qu'elle dit tout à l'heure, monsieur Attali. Oui, c'est sûr que, tel que j'ai dit la chose tout à l'heure, en fait, ce que je voulais dire, que c'était l'idée de départ. Alors, après, effectivement, à travers les lectures, à travers le travail sur terrain, on peut affiner les questions de la problématique, mais oui. Je suis consciente, en fait, qu'il y a deux façons d'aborder la question. Voilà. Comme il nous reste à peu près 5 minutes, on va essayer de faire les deux autres questions. Vous parlez du rapport entre l'intérieur et l'extérieur du magasin en tant que client et en tant qu'employé. Voilà, c'est c'est se dire que ben, de la même manière qu'un vêtement, il habille quelqu'un et en même temps il est juste quelqu'un d'autre, et ben justement, pour revenir à l'architecture, ben, tous ces bâtiments et notamment ces vitrines qui sont quand même vraiment phares et qui changent d'un magasin à l'autre, elles ont quand même comme point commun d'être justement cette interface entre intérieur et extérieur et d'occulter justement l'intérieur avec l'extérieur et vice versa. Alors, en fait, à travers les observations que je suis en train de faire, il y a justement une remarque, c'est pas une remarque, mais c'est une réflexion que j'ai eue, c'est que en tant que client, on regarde les vitrines, mais moi personnellement, par exemple, dans le dernier magasin où j'ai travaillé, pendant les premiers jours, en fait, le premier ou deuxième jour, je n'ai pas regardé les vitrines. Et après, je me suis rendu compte et j'étais étonnée du fait que je n'ai pas regardé les vitrines. Et en fait, en tant qu'employée, la vitrine, pour moi, c'est ce que ça représente pour un vendeur. C'est le lieu où il peut trouver la dernière taille pour un client, honnêtement. Et voilà, c'est intéressant ce changement de point de vue parce que, en fait, j'arrivais, j'avais peur d'être en retard. J'essayais d'être à l'heure, je ne regarde même pas les vitrines, j'entre en magasin et parfois, voilà, je m'intéresse aux vitrines, sauf pour habiller un mannequin, pour apprendre comment démonter et monter le mannequin, chose que je ne savais pas faire avant, et pour trouver effectivement les dernières pièces. Par rapport au fait qu'on voit plus ce qui se passe à l'extérieur, s'il fait jour ou s'il fait nuit, s'il fait froid, s'il fait chaud, c'est pareil, en fait, on ne sent pas le temps passer, on est très concentré sur l'activité qu'on est en train de faire, sur les tâches qu'on a à faire, sur les clients. On se rend compte de ce qui se passe à l'extérieur quand un client il entre en magasin, il a la parapluie de tremper, mais sinon, ça ne nous intéresse pas trop. C'est vraiment différent comment on perçoit les choses. Mais l'impact, par exemple, de ce qui se passe à l'extérieur, en magasin, il est perçu comme un facteur qui peut avoir une influence sur le chiffre d'affaires. Parce que, en fait, dans tous les magasins, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un cahier de bord sur lequel on écrit la température du jour, s'il pleut ou s'il fait beau. Parce que si le magasin se trouve dans un centre commercial, je crois que je serai renvoyée après. Parce que je divulgue trop d'informations. En fait, quand il fait beau et qu'on est dans un magasin au centre-ville, sur une rue piétonne ou sur une rue commerçante, généralement on fera un meilleur chiffre d'affaires. Et si on est dans un centre commercial fermé, il vaut mieux qu'il pleut dehors parce que les gens ils vont venir passer toute la journée dans le centre commercial et donc il y aura plus de ventes. Voilà. C'est ça le rapport de l'individu. Par rapport à l'extérieur du magasin, comment il change en tant que client et en tant qu'employé, d'après ce que j'ai observé. J'espère que j'ai répondu à la question. Je trouve que ça pose des questions par rapport à toute autre activité qu'on voit en termes de lumière. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, quand on pas très bien. Non, je disais juste que je trouvais que, en revenant plus sur l'architecture et sur les obligations, ça rapport à toute autre activité sur les bureaux, etc., et ce qu'on voit en termes de lumière du jour, pour le code du travail, etc., ça pose vraiment la question de la qualité de l'ambiance des gens qui travaillent dans les commerces. Oui, par exemple. Vraiment, ils n'ont pas le droit à cette qualité d'ambiance qu'ils peuvent avoir les autres, justement, dans le but d'améliorer les ventes et d'améliorer les chiffres d'affaires. Oui. Là, est-ce qu'on se trouve réellement dans cette ambiance-là aux gens qui travaillent quotidiennement et qui toute l'année sont à l'extérieur, ben, je trouve que ça pose quand même cette question-là et que je trouve que ça va être intéressant. De ma position, ce que je peux dire, c'est que ça diffère d'une enseigne à l'autre. Combien il pense aux employés. Parce que quand on voit les espaces qui sont dédiés au personnel, parfois ils sont accueillants, ils sont propres, parfois on a envie juste de poser notre sac et de sortir directement. Mais par rapport aux employés aussi, par exemple, dans les entretiens que j'ai effectués, j'ai fait un entretien chez H&M, et c'était un entretien de groupe, donc j'ai pu discuter avec les autres candidats. Et il y avait des postes qui étaient proposés au centre commercial Grand Place et à Caserne de Bonne. Donc, il y a plusieurs candidats qui étaient tous d'accord qu'ils voulaient travailler à caserne de Bonne parce que c'était plus agréable, parce qu'on voyait la lumière du jour et tout par rapport au magasin qui se trouve dans le centre commercial Grand Place. Donc, oui, en fait, ça joue un peu, mais honnêtement, je pense que les commerçants, s'ils font des efforts pour installer une certaine ambiance, c'est pas... Du moment, c'est ce qui est en train de se faire maintenant, c'est pas pour les employés. Et si on le fait pour les employés, c'est pour pouvoir dire « on l'a fait pour les employés » et pour l'utiliser pour promouvoir la marque. Voilà. Les 18, je pouvais voir, je sais pas si... Rapide ou... Ouais, c'était très c'était plus en amont encore par rapport à tout ce que tu dis, parce que tu renvoies la notion d'ambiance beaucoup avec ce, n'est-ce pas, et j'ai l'impression qu'il y a deux positions à la fois, parce que en fait dans le merchandising et toutes ces techniques qu'on connaît un petit peu, parce que nous utilisons cette notion, l'ambiance est image, enfin, donc pour moi c'est un peu cette position là. Non, c'est une image, on est toujours devant quelque chose qui va nous mettre dans certaines conditions pour pouvoir faire quelque chose. Donc on a, me semble-t-il, une approche effectivement qui pose question par rapport à celle que l'on peut avoir du point de vue, que nous on intéresse peut-être plus l'ambiance comme. Et ça montre bien d'ailleurs en fait, mais, plutôt comme forme d'expérience, pas seulement comme image reçue, mais comme oui. Forme d'incarnation et d'expérience. Donc oui. Là, je me situe. Sur le même plan de la frontalité, de la toutes celles qui a prévalu justement dans les années 70, on va dire, et c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir, mais qui serait plus incarné. Et donc les formes d'expérience de ces commerces, alors on fait tous l'expérience des commerces, c'est ça qui est intéressant aussi. Ce qui est bien, c'est que là, on en voit les coulisses dans ta manière de faire, dans l'immersion, qui se passe derrière. Donc je suis tout sur les. Sans faire de jeu de mots, on passe du côté, tu parles du vêtement, il y a aussi des sous-vêtements, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous et ce qui fait, en quelque sorte, contenir tout ça. Quoi. Ce à quoi, par ailleurs, on a un peu accès en tant que chercheur, mais là, tu te mets dans la position de celui qui est immergé dans cette position-là. Mmh. Et là, tout à coup, le régime du discours change, justement, parce que c'est vrai que Thierry Sittafé évoque plus ces formes d'expérience qui sont vécues et qui incarnent finalement ce que c'est que. Ces outils, ces commerces, derrière, en coulisses, quoi, en quelque sorte. Et ce double point de vue, je trouve, est peut-être intéressant dans ta position, c'est-à-dire celui qui est à la fois, qui peut être dans le rôle du consommateur, pas trop non plus cette manière de. On est aussi travailleur, acteur, etc. Et donc, celui de. Fait fonctionner la chose et ces registres d'ambiance, si on a pas d'ambiance au sens et aussi bien physiologique que culturel, que sensible, que relatif à ces formes d'expérience, moi me paraissent extrêmement importantes. Après, je ne sais pas comment relier par rapport à l'habillement, à tout ça, au vêtement, mais bon, on est dans un cadre là, de production d'expérience, voilà, les marques, Et je trouve que voilà, c'était juste par rapport à la notion d'ambiance, faire attention à ce positionnement. Oui. Ne pas la réduire à l'image. Oui. Merci.